Chapitre 9e. Les femmes pouvaient alors recevoir de la compagnie à peu de frais, car elles ne donnaient point à manger. Quelques rafraîchissements suffisaient. La plus grosse dépense était en chandelles, encore ne tenait-on pas un grand luxe de lumière, et pourvu qu'on trouvât les plaisirs de l'esprit, on ne regardait point au reste. Si pourtant le lecteur se demandait comment Claudine pouvait subvenir à l'état de maison qu'exige un salon toujours ouvert, il faudrait lui rappeler que l'orfèvre du pont de changeur avait promis de racheter à bon compte le magnifique bracelet du feu président de Chevry. Lorsqu'elle eut atteint le bout de son argent, Claudine porta en cachette ce bracelet à Maître Labrosse, qui lui en donna une grosse somme. Les gens du monde ne s'inquiètent point des affaires d'une maîtresse de maison, pourvu qu'elle leur fasse bon visage. Ceux qui fréquentaient l'académie de Saint-Côme, comme on disait moitié sérieusement, moitié par plaisanterie, ne songeaient pas à s'enquérir si le directeur de cette académie avait du comptant, des rentes ou des dettes. Il ne se doutait point de l'économie qu'entretenait avec soin Mademoiselle Simon dans ce logis pour allonger la courroie et gagner du temps. Sous les dehors de l'aisance, elle déguisait souvent les expédients d'une personne nécessiteuse sans qu'on eût le moindre soupçon. Cela durait depuis 6 mois, et les ressources de Claudine tiraient à leur fin lorsqu'un événement politique, qu'elle attendait avec impatience, vint changer la face des choses. Le 13 février 1651, les princes quittèrent le donjon de Vincennes. Le raccommodement avec la cour se fit aux dépens du cardinal Mazarin, qui sortit du royaume le 4 mars suivant. Monsieur le prince reparut aussi fier qu'auparavant, et le prit si haut avec la reine, qu'il ressemblait plus à un vainqueur dictant ses conditions qu'à un prisonnier obtenant sa grâce. Entre sa sortie de Vincennes et son départ pour la Guyenne, il passa un certain temps à Paris, où il tint avec ses petits maîtres une conduite et un langage à mériter 100 fois une nouvelle punition, s'il n'eût été le plus fort. Dans ce moment, la cabale des princes, introuvable depuis 1 an, se montra partout et se répandit dans les salons et les lieux publics. Au rebours des autres dames qui tenaient académie, Mademoiselle Simon n'avait point d'officieux chargé de courir après les gens de réputation. Elle ne refusait l'entrée à personne, mais elle n'envoyait pas davantage ses amis faire des recrues. Cette fois, elle risqua une infraction à sa règle de conduite, en témoignant une grande curiosité de connaître ses petits maîtres dont on parlait tant. Aussitôt, les courtisans de la rue Saint-Côme s'évertuèrent à rechercher les heureux mortels que leur souveraine désirait voir. Ce fut à qui en amènera le plus. En moins d'une semaine, il vint 30 gentilshommes de la cabale, les uns obscurs, les autres fameux. M. Debuc, sans soupçonner que la demoiselle pût être sa babolette de Saint-Mandé, arriva un soir, introduit par l'abbé Quillet, à qui Claudine avait donné le mot. Debuc demeura ébahi en face de la maîtresse de maison et la regarda d'un air si troublé que le maréchal d'Estrées le crut blessé au cœur d'un trait empoisonné. « Nous sommes, » dit Claudine avec un dégagement parfait, « de forts anciens amis, M. Debuc et moi. Il y a bien 7 ans que nous nous connaissons. Je n'étais en ce temps-là qu'une pauvre petite fille, mais le lendemain du jour où j'eus l'honneur de rencontrer M. Debuc, je fis aussi connaissance avec des personnes qui passent pour être de bonne qualité, comme M. de Bouteville, son aimable sœur et son excellente mère. « Quoi ? » s'écria le maréchal d'Estrées. Vous aviez des amis de cette volée et vous n'en disiez rien. Allez, vous êtes une fille originale et de la plus piquante espèce. Non, en vérité, on ne vit jamais de femme comme vous, adorable Claudine. L'engouement du vieux maréchal et le chorus dont les assistants l'assaisonnèrent firent comprendre à M. Debuc que le terrain n'était pas bon pour la guerre. C'est pourquoi il se confondit en respect et en civilité pour la souveraine de ce pays. Le lendemain, il revint chez Mademoiselle Simon et tandis qu'il balbutiait un compliment, le maréchal d'Estrées parut, conduisant par la main M. de Bouteville. « Je vous avais promis, monsieur le duc, » dit Claudine, « que nous nous reverrions un jour en meilleure compagnie que celle d'un barbier idéal. »« En effet, » répondit M. de Bouteville, « la compagnie est fort différente, mademoiselle, et ressemble si peu à l'autre que je voudrais savoir le mot de cette double énigme. »« C'est une étrange histoire, » reprit Claudine, « je vous la raconterai un jour que je serai de loisir. » M. Debuc rougissait et pâlissait tour à tour à l'aspect de l'orage qu'un mot de plus lui pouvait faire crever sur la tête. Mademoiselle Simon eut pitié de son air défait et malheureux. Elle s'approcha de lui en souriant et lui dit tout bas « Vous êtes puni, n'est-ce pas? Revenez me voir en signe de votre repentir et n'oubliez point que je suis élève de votre maître le grand Condé. »« Ah !» répondit Debuc, « vous me faites sentir combien je suis loin de ce prince, qui est aussi mon modèle. » Le jour suivant, Quillet, qui avait reçu des instructions secrètes, amena un capitaine des mousquetaires qui faillit tomber à la renverse en saluant Mademoiselle Simon. « Monsieur Thomas des Riviers, dit Claudine, soyez le bienvenu. Vous aimez la compagnie des personnes de qualité. J'ai pensé en effet qu'il serait bon à un jeune homme de se faire des amis au-dessus de lui. Je vous recommanderai monsieur le maréchal d'Estrées. » Thomas eût voulu se cacher au centre de la terre. Il regardait par quelle issue il pourrait s'enfuir. Mademoiselle Simon le conduisit dans l'embrasure d'une fenêtre. « Monsieur, lui dit-elle, ne me jugez point d'après vous-même. Je mérite qu'on ait de moi une meilleure opinion. Je vous ai beaucoup aimé. Les erreurs d'une fille de la campagne trouveront grâce à vos yeux. Ne songeons plus à nos fautes passées. Je ne plaisante point en vous promettant la protection de monsieur d'Estrées. Votre fortune m'occupe et j'ai à cœur de vous laisser un heureux souvenir. Quittez donc cette ère de désespoir et attendez sans effroi la vengeance de votre ami d'enfance. » En sortant de la rue Saint-Côme, le duc de Bouteville se rendit chez sa sœur qui avait épousé M. de Châtillon. Le grand Condé s'y trouvait. Quand son cousin vint à dire en quel état il avait vu la bavolette de Saint-Mandé, M. le prince poussa un cri de surprise et de joie. « La bonne histoire, » dit-il en riant, « Claudine ayant maison. Claudine courtisée par la fleur de nos gentilshommes, encensée par les poètes et tenant académie. Pardieu, j'en suis ravi. Elle doit être charmante et bien demoiselle dans ses airs et son maintien, car je l'ai toujours considérée fort au-dessus du bas-volet. Savez-vous que nos précieuses en doivent enrager? Pour mettre le comble à leur dépit, je vais aller chez ma protégée en grand équipage, et je crierai par-dessus les toits que le salon d'Arthénis est un cabaret auprès du délicieux séjour de Saint-Côme. » Un saisissement profond parcourut les rangs des habitués à l'entrée du premier prince du sang dans la maison de Mademoiselle Simon. L'émoi gagna jusqu'à M. d'Estrées lui-même. Claudine marcha au-devant du héros de Rocroy avec autant d'assurance que de gravité. « Monseigneur, lui dit-elle, ce que vous voyez ici est votre ouvrage. C'est pour avoir contemplé de près le soleil de votre gloire et de votre génie. C'est pour avoir recueilli de votre bouche un mot d'encouragement, comme une rosée bienfaisante, que l'émulation a poussé dans mon pauvre cœur. Je vous dois tout, mon amour du bien, mon envie de plaire, mon goût pour les jouissances de l'esprit et l'estime des personnes qui m'entourent. » Le prince baisa la main de Claudine de la meilleure grâce du monde. « J'admire donc mon ouvrage avec un plaisir infini, mademoiselle, » répondit-il, « mais vous attribuez au soleil de ma gloire plus de fécondité qu'il en a. L'amour du bien avait été semé dans votre cœur de la main de Dieu. J'ai rendu mes devoirs à des têtes couronnées, j'ai baisé des mains royales, jamais pourtant avec plus de respect que celui dont je suis pénétré en ce moment. C'est devant la vertu, la constance dans le bon chemin, le courage et l'envie de bien faire que je m'incline. La beauté, car la vôtre est éblouissante, les grâces et l'esprit ne viennent qu'à la suite. Messieurs, j'étais le premier en date dans l'amitié de Mademoiselle Simon. Ne soyez donc point jaloux de mes libertés. Après avoir été son protecteur, je me déclare avec vous son admirateur, l'un de ses courtisans et membre de son académie. » « Celui-là aussi, » murmura M. d'Estrées. « Celui-là aussi était de ses amis avant moi. Vous verrez qu'elle connaîtra le roi un de ces matins. Quant au respect de M. le prince pour notre ami, il n'a pas grand-peine à surpasser celui dont ce héros refuse obstinément le tribut à la reine. » Le prince passa deux grandes heures chez Mademoiselle Simon. Il causa gaiement avec toute la compagnie et ne demanda son carrosse qu'à minuit en promettant de revenir souvent à Saint-Côme. M. de Buc et Thomas Desriviers avaient été sur des épines pendant cette soirée solennelle. Si Claudine eût voulu abuser de ses avantages, elle aurait pu se venger de leur méchant procédé de façon à les accabler pour la vie et à les ruiner dans l'estime des honnêtes gens. La générosité du vainqueur fit succéder à la crainte une émotion plus douce dans leur âme. Tous deux se reprirent un continent de passion pour la bavolette transformée. De Buc n'hésita point à exprimer son repentir d'abord et ensuite ses tendres sentiments. La première partie de son discours fut écoutée avec bonté. « J'y songerai, » dit Mademoiselle Simon, « et je vous donnerai une réponse avant 8 jours. » Cette parole peu sévère semblait permettre quelque espoir, en sorte que l'amour de M. Dubuc en augmenta de moitié. Thomas Desriviers vint à son tour solliciter son pardon, et comme il l'obtint sans difficulté, il risqua un mot de tendresse. Claudine en fut émue. L'agitation de sa gorgerette allait trahir le feu qu'elle pensait éteint et qui se réveillait dans son cœur. Un effort prodigieux de sa volonté étouffa subitement l'incendie. « J'y songerai, » répondit-elle, « et je vous donnerai réponse avant 8 jours. » Le petit capitaine de mousquetaires proposait à son ancien ami un mariage en bonne forme. Il est donc à croire que ses offres étaient plus sérieusement pesées que celles de son rival. M. de Buc n'avait pas grande chance de réussir, mais il n'en savait rien. selon toute apparence, Claudine songea beaucoup à Thomas Desrivières durant ce délai d'une semaine. On s'aperçut, à la pâleur de son visage, qu'elle avait le sommeil troublé. La béquillée, qu'il aimait plus véritablement que les autres, en conçut de l'inquiétude et pressa de questions celle qui faisait ou sa joie ou ses peines, selon l'humeur où elle était. Il paraît que l'abbé reçut la confidence qu'il souhaitait. On le vit tenir conseil avec sa souveraine, changer de visage comme elle, pousser des soupirs, veiller jusqu'à l'aurore et parler en termes obscurs de ses craintes et de sa perplexité. La semaine était presque écoulée lorsqu'un matin Quillet prit un carreau de louage et courut d'un bout à l'autre de la ville pour inviter diverses personnes à souper chez Mademoiselle Simon. Monsieur le prince ayant accepté le premier, et Monsieur de Bouteville après lui, le reste n'eut garde de refuser. Monsieur d'Estrées prêta ses valets, son cuisinier, sa vaisselle et tout le nécessaire. Un mouvement inusité anima la maison de Claudine, et vers 10 heures du soir, un fort beau souper se trouva servi dans la modeste académie de Saint-Côme.